rappelle encore quand il arrive l'aurore. Quand tu ou te réveilles, ça te l'émiette l'odeur café. Ça qui t'était en bas la cour, comme fleur manque d'un verger. Dans ton rêve, laver l'amour, dans ton yeux, laver l'amitié. Un bétel sur ton épaule pour nous montrer l'habitation. Quand la pluie tombe sur la toile, il fait monter mon sentiment. Dans le silence, la nuit, la brise, la peau caresse mon visage. Mais tout ça, les coumets, l'éclipse, la peau noircit mon paysage. Quand t'y arrives, je te l'entilique et un mari brisard. En compagnie d'un pâté créole, la note de tes racontes histoires. Là, une fois où la plairie, parce que grand-père TV t'a pas où. Il rappelle encore tout ça, la mémé, ce soir la grand-père l'était sous. Côté petit frère, dit la vieille, dit le vieil, arrête plairé. Trop tard, petit frère, grand-mère, la fille ferme le yeux. Midi que Noël est arrivé, zone l'an tout de suite derrière, et nous a commencé l'année en l'absence de notre mémère. Aujourd'hui, moi va crier et pardon si m'y plaire. Quand t'es réfléchi longtemps, petit dans ton tête souvenir, la peau remonte courant, il laisse la peau derrière ouvert. En cas si un jour on va tourner, mais on dit les notes, mais merde, y'a les chants encore pour moi, petit frère fané, trop tard, petit frère.